Le porte-parole du comité de l'enseignement de la République populaire démocratique de Corée a publié le 1er décembre un entretien qui dit notamment « Le 28 novembre, le ministère de l'enseignement sud-coréen a rendu public sur l'Internet une édition d'examen du manuel d'histoire contrôlé par l'État. Il a énoncé de recevoir par méthode confidentielle des opinions pour compléter et achever le contenu avant de l'appliquer dans les écoles secondaires et supérieures de la Corée du Sud vers mars de l'année prochaine. » Cela est une moquerie insupportable contre la population sud-coréenne qui proteste contre la mesure de contrôle d'État du manuel d'histoire et une témérité contre le courant mondial. Le manuel d'histoire contrôlé par l'État est le manuel d'histoire dénaturé pour réaliser l'ambition de Bakounet qui veut réhabiliter son père et justifier ses crimes pro-américains et pro-japonais et la dictature fasciste. Surtout, l'introduction des contenus calomniant la dignité et le régime de la Corée du Nord, en soulignant des problèmes du nucléaire et des droits de l'homme du Nord et de la provocation, montre clairement le but de confrontation et la nature criminelle de la mesure de contrôle d'État du manuel d'histoire. Pire, c'est que Choi Soon-sil et sa bande ont joué le rôle essentiel dans la rédaction du manuel d'histoire contrôlé par l'État comme responsable. Bien que la bande de Bakounet s'acharne frénétiquement, on ne peut pas effacer et cacher la vérité de l'histoire. Il faut que les Sud-Coréens doivent destituer la bande de Bakounet qui remue ciel et terre en se moquant de la vérité de l'histoire et écrire une histoire nouvelle de la justice et de la vérité dans le manuel d'histoire.